aussi fort que l'amour. C'est une île qui vous laisse le parfum d'un plaisir trop court. Ça vous bouscule la raison comme une envie folle de partir. C'est le fruit de la passion qui naît au soleil du désir. On s'aime tendresse, on s'aime douceur. C'est pas l'amour mais ça fait boum dans le cœur. On se fait douceur, on se fait tendresse, et on chavire comme dans un état d'ivresse. C'est drôle, on n'y comprend rien. Qu'est-ce qui nous attire l'un vers l'autre, puisqu'au fond, on sait bien qu'on aime déjà quelqu'un. On se fait tendresse et on chavire comme dans un...